Il y en a qui ne comprennent pas que le supramental, ce n'est pas une idéologie. Ça n'a rien à voir. C'est un ensemble de phénomènes, de constatations, de perceptions, de capacités de perception. Donc, oui, je deviens, ça me met en colère. Je me dis, on pourra pas, l'intellect se donne tellement de valeur. C'est, ouais. C'est la psychologie puis l'intellect. C'est sûr que c'est lié, là, mais. En tout cas, il y a des choses que si on les réfléchit, c'est sûr qu'on va se mettre dans la merde. Souvent, je sais très, très bien, je suis au courant parfaitement de certaines choses. Puis si je me mets à y réfléchir, là, je change d'idée, puis je me trompe. Ouais, voyez, là, l'expression dit se tromper. Se tromper. Soit, c'est sa subjectivité soi-même. J'ai jamais dit que l'intellect n'était pas correct, mais oui, mais c'est une phase qu'il y a quelque chose après. Il va falloir dépasser ça. Parce que là, on est rendu au point où l'intellect dessert l'humanité.